C'est là que le rideau tombe, c'est comparable à une guerre, on a lancé la plus grosse bombe. Fac, ça fait que c'est fini pour ce coup-ci. Fac, c'est fait, pis y'a quelque chose d'accompli. C'est pas le début de la fin, c'est la fin du début. On est allé en prolongation, pis c'est nous qui a compté le but. On gagne sur toute la ligne, pis on franchit la ligne d'arrêt. C'est sûr qu'on va revenir. Juré, premier craché parce qu'à côté, pop, j'ai faim. Si on arrête là, certains diront qu'on n'est pas fin. Pour certains, c'est une fin en chute, mais pour d'autres, une fin tragique. Le CD est bientôt close, c'est mon apocalypse. Je résume avant de conclure. Qu'ici, c'est bien mieux qu'ailleurs, mais des fois, ça fait dur. On se cachera pas, Guinée Pigs, on est là pour ça. C'est pas un produit d'argent qu'on sort, c'est un produit de talent. Mais vu que c'est le dernier track, vous êtes sûrement au courant. Guinée Pigs, on est deux, sous observation, puis peu. C'est sûr qu'on va se brûler à force de jouer avec le feu. C'est la fin, c'est pas un jeu, ni un sport, c'est une histoire. On va vivre heureux. Avoir des props jusqu'à notre mort, c'est fini, ça suffit. Fifi et Nini, ça suffit. C'est fini les sports, les enfants qui jouent dehors. Ça suffit de faire les zombies devant nos orties. Fifi et Nini, faut pas passer notre vie endormie. C'est fini les sports, les enfants qui jouent dehors. Ça suffit de faire les zombies devant nos orties. Fifi et Nini, faut pas passer notre vie endormie. Dépêchez-vous, chaque seconde qui passe devient du passé. C'est comme une ligne au crayon de plomb pour chasser par une gomme à effacer qui avance tranquillement mais sûrement. Y'a juste le temps qui est infini, puis même à ça, qu'est-ce qui me dit qu'il s'arrêtera pas? J'ai faim, mais ça va finir par finir. Je vais me nourrir ou je vais mourir, peut-être demain. La faim va me prendre avec sa main pour m'emporter loin. Mourir, pour l'instant, ça me fait sourire. Mais à un moment donné, je vais ratatiner, devenir vieux puis perdre les cheveux. Pour une dernière fois, fermer mes yeux. Fifi et Nini pour ce qui est de la vie. C'est fini les sports, les enfants qui jouent dehors. Ça suffit de faire les zombies devant nos orties. Fifi et Nini, faut pas passer notre vie endormie. C'est fini les sports, les enfants qui jouent dehors. Ça suffit de faire les zombies devant nos orties. Fifi et Nini, faut pas passer notre vie endormie. C'est fini, pour la fin. C'est fini, Fifi et Nini, c'est fini, ça suffit. Oh non, faut pas passer notre vie endormie. C'est fini les sports, les enfants qui jouent dehors. Ça suffit de faire les zombies devant nos orties. Fifi et Nini, faut pas passer notre vie endormie. C'est fini les sports, les enfants qui jouent dehors. Ça suffit de faire les zombies devant nos orties. Fifi et Nini, faut pas passer notre vie endormie. C'est fini les sports, les enfants qui jouent dehors. Ça suffit de faire les zombies devant nos orties. Fifi et Nini, faut pas passer notre vie endormie. C'est fini les sports, les enfants qui jouent dehors. Ça suffit de faire les zombies dans les orties. Ah, ça semblait aussi.